19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Aujourd'hui s'achèvent les journées européennes de l'archéologie, moment fort d'une discipline longtemps restée dans l'ombre et qui veut désormais faire connaître ses résultats. Quoi de mieux pour les illustrer qu'une grande découverte réalisée à l'occasion d'un projet immobilier, trouvaille qui assurément n'aurait jamais vu le jour il y a encore 3 décennies. Au sud de Bordeaux, à Villeneuve-d'Ormont, en bordure de la Garonne, la fouille d'une rare épave du haut Moyen-Âge est désormais en cours d'achèvement. Faute de sources écrites et d'épaves de la sorte, les modes de navigation de cette époque sont encore méconnus. Cette découverte devrait donc relancer le champ de cette recherche. Dès 2019, le magazine de l'archéologie de France Culture s'était rendu sur place, juste avant la pandémie, pour rencontrer Laurent Grimbert, archéologue de l'INRAP. C'est ce reportage, trop longtemps gardé sous embargo, qui sera l'objet ce soir de notre émission. Départ donc pour patauger dans la boue et la vase, au cœur d'un ancien bras d'eau d'un petit ruisseau de Villeneuve-d'Ormont. Laurent Grimbert, vous êtes un archéologue multitâche, un archéologue qui s'intéresse à toutes les périodes. Oui, mon parcours à l'INRAP m'a amené à faire de la proto-histoire à la période moderne, donc je fais un peu de tout, toutes les périodes. Et là, on m'a demandé de venir travailler sur une épave du haut Moyen-Âge, donc quelque chose d'assez inhabituel pour moi. Vous la cherchiez, cette épave ? Alors, elle a été découverte en 2015 à l'occasion d'un diagnostic de l'INRAP sur un projet immobilier. Et depuis 2015, le projet était un petit peu en sommeil. Et là, ça s'est réactivé en début d'année 2019 et on est reparti pour la fouiller maintenant. Donc elle est entièrement dégagée et elle apparaît dans toute sa splendeur. Elle est sur un bras de la Garonne ? Alors elle est sur un petit ruisseau perpendiculaire à la Garonne, un petit peu en amont de Bordeaux. Elle est sur un petit ruisseau qui s'appelle l'Esteil du Lugan, qui aujourd'hui est un petit ruisseau qui se trouve à une dizaine de mètres de l'épave, mais qui au moment de la disparition de l'épave, au moment où l'épave a coulé, était beaucoup plus large. Et c'est un des enjeux de la fouille, c'est de comprendre l'environnement de l'épave au moment où elle a été ensevelie et coulée. Elle était complètement noyée dans la vase. Oui, entièrement. À l'occasion du diagnostic, on avait trouvé cette épave dans une zone limitrophe donc à ce petit ruisseau, et recouverte par à peu près 1,50 m de vase. Et ensuite, elle est très bien conservée, le bois est bien conservé, l'épave est conservée sur environ 11 mètres de long. Il manque un petit peu la partie arrière, sur 3-4 mètres, mais enfin, le reste est quand même très bien conservé. C'est une période où les épaves sont extrêmement rares, c'est la deuxième connue en France pour cette période de ce type de bateau. Donc c'est une découverte exceptionnelle, et c'est pour ça qu'on est admiratif devant le travail, et on est concentré sur ce qu'on doit faire. Là, c'est la dégager, c'est une merveille un petit peu tous les jours. Là. Ça demande beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de pièces de bois qui vont devoir être démontées, numérotées et emportées, puisqu'on va la démonter pièce à pièce pour la stocker et la préserver. Reste à savoir, qu'est-ce qu'elle faisait là ? C'est ça, donc on est sur un bras latéral à la Garonne. Pourquoi cette épave est là ? On n'a pas encore les réponses puisqu'on se concentre sur son dégagement de l'épave en tant qu'objet archéologique. Il est évident qu'une fois qu'on aura dégagé le bateau entièrement, qu'il sera démonté, qu'il ne sera plus là, on va pouvoir s'attaquer à son environnement proche, dégager un petit peu autour, voir s'il est sur un appontage, s'il y a des aménagements limitrophes, si on a des berges, si on a un ponton, si on a des éléments qui peuvent permettre de comprendre s'il est là par hasard ou s'il est associé à une occupation qui est liée à ce petit cours d'eau latéral à la Garonne, qui conduisait peut-être à des habitats qui étaient dans la partie marécageuse, on va dire, puisque cet Esteil aujourd'hui est envasé et ne correspond plus qu'à un petit ruisseau, mais à l'époque médiévale était certainement beaucoup plus large, comme l'a montré la présence du bateau. Et la marée joue un rôle important, puisqu'à marée haute, la marée remonte dans l'Esteil, donc le bateau pouvait pénétrer à marée haute, assez loin dans les terres finalement. Et donc, quand la marée se redescendait, le bateau restait là. À la prochaine marée, il pouvait reprendre la mer, repartir. Il y a toute une activité qu'on ne maîtrise pas encore bien sur ces aspects-là, mais qui devait à l'époque être prépondérante pour le travail et la vie quotidienne de ces gens. On peut penser aussi qu'on l'a mise là parce que ça ne gênait pas et on l'a fait mourir dans un cimetière de navires. C'est possible, ce sont des procédés qui sont connus pour d'autres périodes, pour d'autres types d'épaves. C'est-à-dire à un moment, le ruisseau est utilisé, le bateau vient finir là et puis bon... Ma foi, on va le laisser là et puis il va s'ensevelir, il va couler, puis on continuera à utiliser l'Esteil. Donc il est probable que dans l'Esteil, il y en a d'autres, qu'on n'a pas encore trouvé, qu'on ne trouvera certainement pas vu l'emprise limitée du chantier, mais il est possible qu'il est certain, à mon avis, qu'il n'est pas tout seul et qu'il n'est qu'une petite part du nombre de bateaux qui devaient exister à l'époque et qui remontaient ce petit cours d'eau. On est d'abord sous une bâche, d'une sorte d'auvent, c'est très bien protégé. L'épave, comme ça, ne subit aucune intempérie. Nous avons une sorte de grande tranchée, avec des sédiments donc vaseux, on va dire gris-marron, et l'épave repose sur le sol. Oui, c'est ça. La vase qui recouvre l'épave, en fait, a dû venir à l'occasion d'une ou de plusieurs marées. Quand l'épave a coulé, ensuite, elle a été très rapidement recouverte par les sédiments qui proviennent de la Garonne, donc à marée haute et marée basse, qui sont apportés par la Garonne. Et donc, elle est conservée dans cette vase qui en a permis la conservation, puisqu'on est en milieu anaérobie, donc pas d'oxygène, humidité 100%, pas de changement de température. Donc, c'est la raison pour laquelle cette épave est très bien conservée. En la dégageant, on la fragilise évidemment, donc raison pour laquelle on doit aller très vite. On se rend compte, nous, ça fait à peu près 3 semaines qu'on la dégage, on se rend compte déjà que le bois sèche très vite. Donc on l'arrose continuellement, tous les jours, pour essayer de préserver ce bâtiment. On peut penser qu'elle a été enfouie très rapidement. C'est un des enjeux de la fouille, c'est de comprendre les dynamiques qui l'ont conduite sous l'eau et sous la vase rapidement. On a des éléments qui permettent de penser, quelques éléments dans la stratigraphie qui permettent de penser que ça a dû être allé assez vite en fait, et qu'à partir du moment où elle a été abandonnée, elle a dû être recouverte, peut-être parce qu'elle était dégradée, son propriétaire l'a abandonnée là, et elle a été rapidement recouverte par une crue de la Garonne qui l'a complètement noyée, recouverte, et elle est restée là jusqu'à ce qu'on la retrouve en 2015. Le bateau fait combien de mètres de long ? Alors pour l'instant on a la partie avant, l'étrave est conservée, on a jusqu'à la quille, la partie arrière, on a 11 mètres. Il nous manque quand même, a priori, de nous manquer, au vu du type de bateau, des dimensions, de l'architecture telle qu'il est, de nous manquer à peu près 3-4 mètres de longueur du bateau. Donc il nous manque certainement tout le tableau arrière. Et peut-être, bon évidemment, le gouvernail, s'il y en avait un, et ainsi de suite. Donc on a ces parties-là qui ne sont pas représentées. C'est dommage, mais en même temps, l'épave, ce type-là et de cette période sont tellement rares qu'on ne va pas faire les difficiles, on va se contenter, entre guillemets, de ça. Et pourquoi manque-t-il l'arrière ? Alors, il est probable qu'au moment de son envasement, la partie avant était certainement à l'abri du flux et du reflux de la marée dans l'Esteil, et donc elle a été rapidement envasée et n'a pas été découverte et recouverte par les marées successives. Peut-être que la partie arrière se situait davantage dans le lit actif du ruisseau, et a peut-être été érodée et recouverte de nombreuses fois, et peut-être qu'à l'occasion d'une marée basse, l'épave était apparente, et des gens sont venus récupérer une partie du bois. On a des traces de récupération sur la quille, des traces de haches qui montrent que les gens du coin ont dû venir se servir sur un bateau qui était abandonné et complètement envasé, et dont ne sortait de la vase que la partie arrière. C'est une pratique courante ? Les documents sont assez rares. Sur cette période, il y a peu d'épaves qui ont été fouillées au point d'arriver à documenter ce genre de choses. Mais oui, c'est certainement une pratique courante. Les murs, les bâtiments tels qu'on les connaît, les bâtiments antiques, les bâtiments médiévaux, étaient couramment récupérés. Il n'y a pas de raison que des vestiges aussi riches en bois ne l'aient pas été par les populations qui vivaient dans cette zone marécageuse en bordure de Garonne. Alors on va descendre un petit peu, on va descendre quelques marches, se rapprocher donc de l'épave. Moi, ce que je vois, c'est une sorte d'épave qui est assez large, qui semble assez courte malgré ses 15 mètres de long, et on a l'impression qu'elle s'est un petit peu ouverte légèrement. Oui, tout à fait. Le poids de la vase a conduit à l'affaissement du bordé. Donc on a le bordé tribord qui est assez bien en place et qui doit, dont la courbure doit correspondre au bateau originel. Par contre, côté bâbord, il y a des éléments de bois qui ont lâché en raison du poids du sédiment de la vase, et ça a conduit un petit peu à l'ouverture du bateau. Donc le bordé s'est un petit peu ouvert. Pas tant que ça finalement, puisqu'on a des éléments qui sont encore en connexion, mais malgré tout, il s'est un petit peu affaissé. Malgré tout, on a un bateau très nombreuses membrures, robuste, donc un bateau très robuste, avec un assez large, on peut estimer qu'il faisait à peu près 5-6 mètres de large. Alors il faudra voir, ce sont des éléments que je vous donne alors que le bateau n'est pas encore remis en connexion totale, donc il faudra qu'on c'est des éléments, des premières mesures. On les confirmera avec les opérations, avec les personnes en charge de l'architecture navale, qui nous permettront de comprendre vraiment comment était le bateau quand il était en état de naviguer. Et donc ces éléments montrent un bateau assez large, assez bas sur l'eau, qui est doté d'un plancher, d'un vaigrage interne, donc qui pouvait transporter des marchandises, et quelque chose d'assez robuste. Vous allez le remodéliser ensuite, enregistrer absolument tout et essayer de le remodéliser pour voir exactement quelle forme il pouvait avoir. Oui, le bateau fait l'objet d'un enregistrement intensif. On photographie chaque pièce, on fait des photogrammétries pour le restituer en 3D et dans son environnement. Donc on est constamment, dès qu'on démonte quelque chose, on documente, on photographie, on enregistre, on numérote pour permettre à terme de le reconstituer virtuellement. Chaque pièce ensuite est étiquetée. Le bateau va être démonté pièce à pièce et sera stocké en attendant son devenir, qui n'est pas encore décidé aujourd'hui, stocké en BIM dans des bassins pour le préserver, puisque là en fait depuis qu'on le dégage il s'altère, il convient de le remettre rapidement dans de l'eau. Donc vous avez un puits juste à côté et vous emballez les pièces et vous les stockez dedans? C'est ça, à proximité de la fouille on a créé des bassins temporaires de stockage. Quand une pièce est démontée, on la numérote, on l'enregistre, on la photographie, elle part dans le bassin en attendant son chargement. On va travailler avec le laboratoire Arc Nuclear de Grenoble qui va venir nous aider à conditionner et démonter le bateau. Et chaque pièce sera ensuite transportée à Grenoble pour être stockée dans des bassins. Vous faites de la photogrammétrie par exemple ? Oui, des survols en drone, photogrammétrie, photo classique. C'est vrai que c'est assez varié en ce moment. On a besoin de beaucoup d'enregistrements puisque au fur et à mesure qu'on démonte, en fait, c'est un mikado géant un petit peu. Il faut qu'on documente vraiment tout au fur et à mesure. On essaie de démonter dans l'ordre inverse où ça a été monté. C'est pas forcément toujours facile puisqu'il y a des pièces qu'il faut démonter qui nous gênent pour la progression au sein du bateau et la fouille. Donc on démonte aussi en fonction de nos besoins. Et c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, mais malgré tout, on y arrive. En tout cas, ce qui vous gêne surtout, c'est cette énorme poutre transversale. Ça, je suis sûr que ça vous gêne. Oui, le bau qui servait d'amarre pour le mât, donc est conservé en place. C'est ça qui nous permet de connaître un peu la largeur du bateau. Le mât a disparu, hélas. Il a été certainement récupéré ou il a été emporté par la marée. Un des baux est en place. On en a démonté déjà le baux supérieur. Le baux inférieur est en place. Il va être démonté la semaine prochaine parce qu'évidemment, pour dégager l'intégralité du plancher de l'épave, il faut qu'on démonte cet élément qui nous barre un petit peu l'accès pour le moment. Et ce que l'on voit aussi, c'est un très beau plancher. Oui, le plancher est entièrement conservé, très dégradé par le poids de la vase qui a pesé évidemment. Le plancher qui a cédé entre les renforts sur lesquels il est cloué, mais malgré tout, il est en connexion intégrale. Donc on a sa largeur, on a des planches de bois assez fines qui le composent. Ça va être un petit peu compliqué pour le démontage. Ça va partir un petit peu en fragments, tout ça. On va devoir conditionner ça, tout ça, de manière cohérente, de numéroter tout ça de manière cohérente pour arriver à le reconstituer. Il n'est pas question, évidemment, de tout mettre en vrac dans un bassin ou dans un bac et de dire « on verra bien après ». Là, il faut quand même qu'on le fasse de manière réfléchie, documentée et cohérente. Ce que l'on voit à ce plancher, c'est le plancher du fond du bateau. On pouvait penser qu'il y avait par-dessus un autre plancher. Alors, au niveau de l'architecture, donc effectivement, sur le fond du bateau, on n'a pas trouvé pour le moment de traces de pont, d'éléments d'un pont supérieur qui pourrait avoir été présent. Les éléments sont en cours de démontage, donc les spécialistes, quand ils vont commencer à plancher sur ce bateau, vont certainement faire feu de tout bois, si j'ose dire, et montrer qu'il y a des éléments qui apparaissent plus haut, qui pouvaient servir peut-être à accrocher un plancher. Pour l'instant, on n'a pas de réponse sur ce sujet, et ça va être vraiment un des enjeux, effectivement, par les spécialistes d'architecture navale qui sont présents sur la fouille, de comprendre qu'est-ce qu'on peut déduire à partir des pièces de bois. Chaque fragment de bois porte les stigmates et les empreintes de son utilisation, et c'est un puzzle qui n'est pas aussi perturbé qu'il n'y paraît. Tout a une raison d'être là, quoi. Visiblement, il y aurait deux planchers, c'est-à-dire que au milieu du bateau, au niveau du bau, un plancher s'arrête pour faire redémarrer un autre. C'est ça, en fait le plancher est interrompu par la présence du bau, donc on verra ce que ça signifie au niveau de la construction du bateau. Il y a deux éléments de plancher qui sont distincts au niveau du bau, ils sont séparés, ils ne sont pas jointifs. On n'a pas un seul plancher qui couvre toute la longueur du bateau, apparemment il y a des éléments qui se distinguent. Alors ce que l'on voit surtout, c'est les éléments latéraux qui sont extrêmement denses, qui forment, on va dire, le squelette du bateau. Et il y en a un tous les 10, 5, 20 centimètres. Oui, c'est ça, les membrures, donc les allonges et les varangues sont très denses. Ça, alors moi qui ne suis pas spécialiste, j'ai appris tout ça depuis peu, mais ça semble être quelque chose d'assez peu fréquent. ça nous permet de supputer la robustesse de ce navire, qui était destiné à supporter visiblement de lourdes charges au vu des éléments qui composent son squelette, son ossature. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Alors on sait que les bateaux peuvent être cousus, on sait que les bateaux peuvent être cloués, les bateaux peuvent être aussi chevillés. Qu'en est-il pour votre épave ? On a énormément de chevilles, donc des gournables qui assemblent les pièces. On a aussi de gros clous sur des pièces certainement maîtresses qui servent à assembler le tout. On a certainement, alors pour le border, les virures externes, on n'a pas encore le mode d'assemblage. Il est probable que ça soit par clous, ce qu'on a pu en voir pour le moment. Donc on a un mix en fait entre des clous et beaucoup de chevilles de toutes les tailles et des clous aussi. On connaît ça en architecture navale ? Oui, c'est des choses qui sont documentées. Après, c'est plus toutes les options, toute la mise en œuvre qui va être comprise, qui va nous permettre de voir quelles sont les nouveautés qu'apporte la fouille de cette épave par rapport aux épaves de cette période et de ce type qui sont connues, qui sont peu nombreuses. En France, ce serait la seconde, après la fouille de Port-Berthault, ça serait certainement la seconde épave de ce type et de cette période, donc du haut Moyen-Âge, 7e, 8e siècle, qui serait fouillée. Donc la fouille de cet élément et ce bateau est primordiale. Et les choses qu'on va observer sur son architecture vont nous permettre d'avancer, de comprendre ce qui est commun, de comprendre ce qui est un petit peu inhabituel, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, ou au contraire de voir les permanences, puisque les bateaux quand même sont mis en place de manière quand même assez, on va dire, similaire. Il y a des grandes lignes qui sont similaires depuis la nuit des temps, les constructions sont quand même assez proches, et après il y a des particularités pour chaque période. Alors justement, une des particularités, c'est peut-être le montage des planches sur la coque. Comment sont montées ces planches ? Alors, il y a deux grands principes. C'est monté à franc-bord, c'est-à-dire que les virures de la coque sont assemblées sur leur champ. Ou alors, il y a le montage à clin, où les bordées se chevauchent un petit peu, façon dracard, si vous voulez, pour situer un petit peu le débat. Là, on est sur un montage à franc-bord. Donc les pièces sont jointives par leur champ. Mais il y a certainement des éléments, quand on va démonter les virures, qui nous permettront d'y voir plus clair aussi à ce niveau-là. On a trouvé quelques éléments qui permettent déjà de comprendre qu'il y a eu d'autres aménagements pour l'assemblage. On verra ce qu'il en est quand on les montera. Quand on en sera là, on aura déjà bien progressé dans la fouille de ce navire et on n'aura pratiquement plus que les virures et le bordé à démonter et la quille. Mais quand on en sera là, on sera content. Alors à l'intérieur, vous avez aussi des sortes de petites brindilles, de petites tiges. Ça n'a rien à voir à faire avec le bateau, ça ? Alors des éléments d'accastillage, a priori. On a un fragment de cordage qui est conservé à peu près au tiers avant du bateau. On ignore son rôle. On va le prélever à partir dans cette semaine pour le préserver, parce qu'au fur et à mesure que le bateau, on ne l'a pas mentionné, mais le bateau est dans une nappe phréatique qui monte et descend régulièrement. Donc on doit pomper en permanence pour essayer de le dégager continuellement, sachant que le fait que l'eau remonte, c'est plutôt bien pour lui parce que ça le préserve. Mais quoi qu'il en soit, la montée et descente régulière de la nappe occasionne des dégâts sur les éléments qui sont présents, notamment ces cordages qui vont finir par avoir tendance à se disloquer au fur et à mesure de la remontée de l'eau. Donc un cordage dans le tiers avant, et à proximité du bout, on a des éléments de clématite apparemment, d'après la personne, le dendrologue qui a pu passer, nous a déterminé des torrents de clématite qui semblent faire un lien effectivement. On ignore la destination de ce lien, mais il est présent sur le plancher du bateau. On verra si on peut faire remonter ça avec quelque chose de significatif au fur et à mesure du démontage. Alors vous avez de la clématite, ça c'est peut-être une anecdote. Vous avez aussi d'autres essences de bois qui ont été à l'origine de la construction de ce bateau. Essentiellement du chêne pour les parties les plus robustes, donc les membrures, le bout, la quille. Après, il peut y avoir des mélanges. Le plancher, c'est du résineux, donc on verra quel type de résineux. Là, il faudra passer à les observations plus microscopiques, à la binoculaire, pour déterminer. On a aussi des indices, il n'y a pas que du chêne, il peut y avoir un feuillu type châtaignier ou frêne. On verra ce qu'il en est quand ce sera là aussi. Il faudra des observations plus complètes pour arriver à le déterminer. Est-ce que vous avez des éléments chronologiques autour de ce bateau ? Durant le diagnostic de 2015, lors de sa découverte, une datation radiocarbone avait été réalisée, avait montré qu'on était sur 7e, 8e siècle, 660-780. Cette datation est la seule dont nous disposons pour le moment. Il faut rester prudent avec les datations sur les épaves, parce que des bois peuvent être réutilisés, donc on peut avoir des erreurs sur la datation si on se limite à la chronologie donnée par le carbone 14. Donc, l'effet vieux bois, c'est ça ? Voilà, l'effet vieux bois, où on va se retrouver avec un bois qui a été réutilisé, qui est beaucoup plus ancien que le bateau. Donc on va avoir un problème avec ça. Et on va rester prudent pour le moment. On n'a pas de raison de penser que l'épave peut être plus récente, elle est peut-être plus ancienne. On verra en fonction de ce qu'on trouve. Quelques éléments de céramique qui sont présents dans le comblement de l'épave permettent de corroborer pour le moment cette hypothèse, en tout cas ne l'infirme pas. On verra ce qu'il en est. C'est un travail qui va se mener sur le long terme. Là, on fera éventuellement on fera certainement de la dendrochronologie pour arriver à mieux cerner la date de construction de cette épave. Il faudra le faire sur l'ensemble de l'épave. On ne peut pas se limiter à une datation sur un bois. C'est la difficulté de l'exercice sur des bois qui peuvent avoir des origines diverses. Il peut y avoir des réparations. Un morceau de charpente qui n'a rien à voir avec le bateau a été utilisé pour conforter une pièce, la remplacer. Donc on peut avoir des erreurs, il faut faire une moyenne générale un petit peu pour avoir une idée vraiment du moment où ce bateau a navigué. Pour l'instant, on reste sur le haut Moyen-Âge et on verra ce qu'il en est au fur et à mesure de l'étude. Alors pour résumer, on a un bateau de 15 mètres de long, il en reste à peu près 11 mètres, on a un bateau à voile, on a un bateau qui a une quille, c'est à peu près ça, hein. Un bateau très puissant, très fort, quelle est sa destination ? On n'a pas de traces du chargement. On aurait bien aimé trouver du chargement à l'intérieur. Pour l'instant, on n'a aucun indice sur la nature du chargement. Le fait que ce bateau est très très robuste montre qu'il pouvait être peut-être destiné à différents chargements. Il a pu charger différentes marchandises durant son existence. Peut-être qu'il partait d'un endroit avec un certain type de marchandises, qu'il les déchargeait à un autre endroit, que de là, il rechargeait autre chose, du commerce, de la navigation. Donc, on aura peut-être quelques éléments de réponse après la dépose du plancher. Il y a des éléments qui ont pu être piégés sous le plancher. On verra ça. Mais quoi qu'il en soit, c'était un bateau qui devait naviguer sur la Garonne, sur l'Esteil pour venir se ranger donc à Maréotte, sur la Garonne, et dont la robustesse et la présence d'une quille permettaient de faire du cabotage sur la façade atlantique. Il n'était pas prévu pour affronter la mer, la haute mer, mais il pouvait sans problème faire du cabotage, voire descendre sur les estuaires de la Charente, voire au plus bas, vers le Pays Basque. C'est pas impossible, mais bon, pour l'instant, on manque vraiment d'éléments sur cette période, donc c'est un petit peu difficile d'extrapoler. En tout cas, ce n'est pas un bateau hauturier, ça c'est une certitude. On peut se faire une idée quand même, vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être même rêvé à ce qu'il aurait pu transporter. On est forcément à 20 km de Bordeaux, voilà. Alors évidemment, on se pose la question si ce n'était pas un bateau qui pouvait transporter du raisin ou du vin. On verra. Peut-être que les analyses palino, les analyses de micromorpho permettront d'avoir des éléments là-dessus. C'est un peu tôt, ça serait intéressant que ça soit un bateau qui montre l'ancienneté, même si elle est connue depuis beaucoup plus longtemps. Mais du commerce, du vin, qui peut assurer une continuité, voilà, qui permettra de faire le lien. Moi, je pense qu'il, vu sa robustesse, il pouvait avoir plusieurs tâches. Il est probable qu'il était finalement multitâche, lui aussi, peut-être. En tout cas, c'est un bateau d'armateur. C'est un bateau qui appartient à quelqu'un qui fait commerce. C'est difficile à dire. On a certainement assez peu d'éléments pour le moment là-dessus. Il est possible. Ça appartenait peut-être à un particulier, ça appartenait à quelqu'un. Était-il à son compte? Était-il dépendant d'un armateur? On a des connaissances embryonnaires sur cette période. On connaît peut-être mieux l'Antiquité, mieux le Moyen-Âge. Là, on va être encore dans le haut Moyen-Âge où les sources sont rares et précieuses. Donc le bateau, c'est une source primaire là, par rapport à ça. Ça permettra peut-être de répondre à ce type de questions. Quand on aura dégagé aussi son environnement immédiat, on aura peut-être d'autres éléments de réponse là-dessus. S'il s'avère qu'on trouve des éléments, par exemple, d'appontage, un quai, on peut très bien imaginer qu'il était en relation avec une zone, avec un petit port, avec une zone, alors pas un grand port, mais quelque chose où il pouvait venir apponter, charger les marchandises, les décharger. Et là, on aura d'autres éléments, évidemment, pour comprendre quel pouvait être son rôle, à qui il pouvait appartenir, ou si c'est un simple bateau d'un particulier. Laurent Grimbert, vous me disiez qu'on était dans une zone palustre, on était dans une zone marécageuse, donc on peut penser qu'il n'y avait pas forcément grand-chose autour. C'est difficile à dire. Le diagnostic a montré qu'il y avait quand même quelques éléments. Pendant la fouille qu'on a pu faire en 2017, on avait trouvé un mur antique que nous avons interprété comme un mur de clôture, qui déterminait probablement un vaste ensemble qui situait à proximité du bateau, une villa de bord de Garonne, quelque chose dans ce genre-là. Le bateau, évidemment, est beaucoup plus tardif, 7e, 8e siècle, mais il n'est pas impossible que le souvenir de cette villa ait perduré à proximité et qu'elle ait pu occasionner des habitats autour ou des zones de commerce, d'échange qui ont perduré pendant un petit moment. Bon, là, évidemment, ça fait 7 siècles, ça paraît long. On manque d'éléments, vraiment. Quoi qu'il en soit, ces zones palustres autour de la Garonne étaient évidemment fréquentées, beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui ou qu'elles ne l'ont été au 19e siècle, parce que beaucoup plus envasées, alors que les estays à l'époque étaient beaucoup plus libres et permettaient la circulation de bateaux plus en amont dans les terres. Et donc pouvait pénétrer plus facilement dans ces terres marécageuses, vues comme inhospitalières, mais qui à l'époque devaient certainement posséder de nombreuses ressources, végétales, vanneries, pêche, chasse, voire des cultures, et des habitats dispersés certainement sur ces zones qui aujourd'hui sont vues surtout comme des terrains vagues et des marais qui étaient certainement insalubres, mais qui à l'époque ne devaient pas autant l'être que ça. On connaît la place des étangs au Moyen-Âge, quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui sur cette épave? Elle est quasiment dégagée, entièrement la démontée? C'est ça, beaucoup de choses restent à faire. Là, la partie dégagement est terminée pour ce qui est la partie supérieure donc du bateau, les éléments de navire, enfin, qu'on peut percevoir. Mais ensuite, au fur et à mesure qu'on va démonter, on va continuer. Évidemment, la terre ne nous a pas attendu, elle s'est infiltrée entre tous les éléments du bateau. Il va falloir qu'on continue à dégager la terre qui s'est infiltrée sous le plancher. Donc il y a encore une partie fouille qui va perdurer ensuite. Le démontage pièce à pièce de toutes les pièces de bois, des éléments, les membrures, le bois, vont petit à petit partir. On va finir, on n'aura plus que les membrures, puis ensuite on n'aura plus que les virures. Et pour finir, certainement, la quille, qui sera l'élément qu'on va démonter en dernier. Quand on en sera là, je pense qu'on pourra casser la bouteille de champagne. On sera content d'avoir mené cette opération à son terme. Et ensuite la restaurer? C'est un projet. Ce serait nécessaire, vu l'ancienneté de l'épave, le côté un petit peu exceptionnel. Ce n'est pas des choses qui sont encore définies, déterminées définitivement. On verra comment on arrive. Évidemment, le souhait, c'est que cette épave soit conservée, traitée, préservée et puisse un jour être présentée au public. Ce serait évidemment un devenir tout à fait souhaitable pour elle. Vous me disiez que c'était la deuxième épave connue pour cette période en France ? De ce type-là et pour cette période, oui. A priori, il n'y en aurait que deux, pour Berthaud et celle-là. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui en fait un document exceptionnel pour la période. Donc, on va être amené à la restaurer et à la comprendre intégralement pour ça. Quoi. Qu'est-ce qu'on avait à Port-Berthaud ? À Port-Berthaud, c'était donc dans la Charente, dans l'estuaire de la Charente. C'est un bateau qui a été fouillé par Eric Ritt et son équipe. Je ne me rappelle plus de la date, là, il faudrait faire appel à un spécialiste. Et donc, c'est un bateau qui a été fouillé en archéologie subaquatique, alors que nous, on est en semi-terrestre, puisqu'on patauge quand même un peu, et qui a été fouillé, qui était à l'envers, donc un état de conservation qui était bien, mais peut-être moins de pièces conservées, donc qui permettra de faire la fouille de l'épave de Villeneuve, permettra de faire le lien et de voir les différences et les ressemblances entre ces deux navires, et de voir comment ils étaient similaires ou dissemblables, et voilà. On permettra de comprendre un peu mieux ce type de navire. Et ensuite, vous passerez à un autre projet, autre période? Oui, on va encore changer. Je pense que celui-là va m'occuper encore un petit moment, entre la phase de fouille qui va durer un petit peu et la phase de rapport qui promet d'être longue, parce que très documentée. Et après, l'avenir va encore m'amener sur un nouveau chantier. J'avoue que c'est assez novateur et c'était très intéressant. C'est très intéressant de fouiller quelque chose de ce type-là. J'avais jamais fait ça. Donc avec Marc Guyon, donc, qui est le spécialiste d'architecture navale avec qui je travaille, qui lui est beaucoup plus féru de bateaux et beaucoup plus compétent que moi sur la question. Donc un travail de collaboration efficace et tout à fait sympathique. On passe de bons moments sur cette épave. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Eric Villenfin et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.